femme. Même fané mec, une fleur reste une fleur. Butiné par des millions d'abeilles ou fouetté par le vent, une fleur meurtrie épuisée par le temps. Mais si le soleil lui balance un rayon, elle brillera. Son intérieur étincellera comme l'extérieur de Tira. Miracle, non, la beauté de la nature. Un beau texte reste beau même si la feuille est pleine de ratures. Au-delà des apparences se cache un cœur et une âme. Derrière ces complexes se cache le respect d'une femme et ses charmes cachés. La plus clean au sel au sale passé. Combien de délires j'ai gâché, je maudis mon passé. Combien de ladies j'ai fâché. En leur faisant croire que j'avais des sachets d'amour caché. Si je t'ai ne serait-ce que jugé ou taché. Entends mes regrets, je m'excuse, je voulais que tu le saches. Baisse un peu les armes et viens plus près. Je sens ton besoin de me livrer ton secret. Avoir le poids des larmes t'a fait flipper. Et dans ton regard je lis encore mes regrets. Juste t'ai traité de conne ou d'affreuse. Jugé à ta sape, ou sans te connaître, te glace et crasseuse. Et je t'ai fiché à ce que tu m'as chippé quand je t'ai appelé. Insulté pour pas me payer la teuf, on a châtelé. Traité d'aspect, manqué de respect. Parti juste après l'acte alors que tu me demandais de rester. Et je t'ai blagué, sous-estimé, refusé de casquer. Zappé, re-zappé, rappelé en appel masqué. Si j'ai conduit notre relation, game over. Vais ce qui vous fait, squatter à fond mon répondeur. Si pour moi t'as fait des sacrifices graves, missionné. Si j'ai haussé le ton ou raccroché au nez. Si t'as pleuré, que j't'ai dit sèche, t'es crocodile, j't'ai fausse là. Si j't'ai causé des embrouilles avec tes copines, oublie le salopard que j'ai bien pu être ma sœur. Aujourd'hui, j'suis réglo et je cherche mon âme sœur. Baisse un peu les armes et viens plus près. Je sens ton besoin de me livrer ton secret. Avoir le poids des larmes t'a fait flipper. Bien pu être ma sœur. Aujourd'hui je suis réglo et je cherche mon âme sœur. Et je t'ai mes numbers, brûler mon classeur. Un scala crédit, mon gentleman, tout un chatter. Hey lady, pourrais-tu supporter un mec comme moi? Rappeur au devant de la scène, qui fait un mec comme moi? Tenir le coup quand je vais en tournée ou en studio. Rester zen, même entouré de mannequins dans mes vidéos. Hey lady, pour le meilleur et pour le pire. Comme mon blaze est au sommet ou si jamais l'argent se tire. Dans une R5 comme dans un Merco ML. La canne à Saint-Tropez comme dans les rues du CNR. Mon adrénaline, ma gosse et mon batson. C'est Mr. Hall, c'est pas le bachelor ou Greg le maçon. C'est pas le bluff de la TV ou des DVDs. Rêve d'une meuf bien, I need a girl comme P. Diddy. Baisse un peu les armes et viens plus près. Je sens ton besoin. Voir le poids des larmes t'a fait flipper.